Exercice 12, page 109. S'il y a bien une évidence, c'est qu'avant de tomber malade, mon père était en pleine forme. Il avait des projets plein la tête. Il allait s'acheter la paire de bottes texanes dont il rêvait depuis toujours.